La nuit s'installe sur la terre brûlée. Le ciel s'enroule, la route est brise. Radosky, il marche, l'âme en poussière. Chaque pas pèse comme une prière. Les déserts chantent des histoires mortes, des âmes perdues derrière chaque porte. Un sac sans élève, lourd et amer, comme une plainte qui fend l'hiver. Croix plantées et bord de roue, la route. Le vent soulève des vérités toutes. Chaque regard est un jugement froid. Mais Radosky avance, tenant sa foi. Dusty crossroads, des balles tirées. Chaque cicatrice raconte mes années. Le blues s'accroche comme une malédiction. Chaque note pèse une confession. Les vautours tournent au-dessus du silence. Les souvenirs frappent comme une sentence. Radosky crache la poussière du passé. Son ombre seule refuse d'abdiquer. Les tons murmurent des chants anciens. Les cowboys perdus tendent leurs mains. Mais le whisky brûle et me garde debout. Je crache la mort, je reste fou. Sous la lune froide, la vérité frappe. Chaque blues est une vieille trappe. Mais Radosky rit défiant le temps, car la poussière vit dans ses dents. Dusty crossroads, dernier souffle, l'ombre s'efface, mais Radosky règne sur l'espace.